Alors, est-ce que vous avez des objets que vous possédez, mais que vous n'utilisez plus? Eh bien oui, des aiguilles à tricoter et de la laine, La laine. Il n'y naturellement. a que des aiguilles à tricoter et de la laine dans la maison que vous n'utilisez plus, ou il y a d'autres objets? Mais je les donne au fur et à mesure. Vous ne gardez pas. Non, parce que ça peut faire plaisir à d'autres. Et donc, dans tous les objets qui vous restent, vous avez choisi. Mes aiguilles à tricoter. Et pourquoi? Ben, elles ont une longue histoire. J'ai d'abord commencé à tricoter quand j'ai commencé à enseigner. Voilà, j'avais trouvé une petite maison de poupée dans la classe qui était tout à fait vétuste et je voulais, quand les enfants rentraient au mois de septembre, les accueillir dans quelque chose de joyeux, de gai. Puis voilà, j'ai commencé à tricoter parce que les poupées n'avaient pas d'habits. Et donc vous avez appris à tricoter pour les poupées. Oui, c'est alors que j'ai commencé. Et comment est-ce que vous avez appris à Eh tricoter? bien, je me suis abonnée à une revue qui était très belle, qui s'appelait Cent Idées. Donc vous avez appris seule avec la revue. Oui. C'est pas votre mère qui vous a appris à tricoter, par Maman ne exemple. tricotait pas. Et à l'école non plus. Non, non. On ne tricotait pas à l'école, on cousait. Et quand vous dites que vous avez commencé, ça fait combien de temps? Quand j'avais 19 ans et j'en ai 78. Et donc, vous les utilisez plus depuis quand? Eh bien, quand je me suis aperçue que ni Marie-Laure, ni toi, ça ne vous intéressait pas, je me suis dit, voilà, je les remise et je les mets de côté. Mais ça ne nous intéressait pas que vous tricotiez ou que nous, on tricotait? Mais quand je tricote, j'aime bien que ça fasse plaisir. Et tricoter, pour moi, je n'en voyais pas l'utilité. Je sais pas. Et puis je me suis dit un jour, fais quelque chose pour toi. Pour toi, vraiment, pour toi. Et voilà. J'ai remisé mes aiguilles. Et en fait, quand vous avez décidé de ne plus utiliser les aiguilles à tricoter, enfin, pourquoi les avoir gardées? Quel était un peu le rôle, ou est-ce que vous y pensiez, ou est-ce que... C'est un souvenir, un attachement. C'est vrai, je n'ai jamais pensé à donner les bouts de laine ni les aiguilles. Et où Non. est-ce que vous les gardez? Dans le garage, dans une armoire. Et c'est une armoire où il y a d'autres objets qui ne servent plus, ou c'est plutôt une Oui, armoire dans cette pour... armoire-là, je range les choses que je n'ai plus besoin et que je donne. Donc ils vont... Vous Oui. savez que Je les donne à ça... Rosa et elle en a besoin. Elles sont... Les objets sont en transition Voilà. d'une étape. Voilà. Et pourquoi est-ce que vous avez continué à les garder et ne pas les donner avant? Mes aiguilles à tricoter, Oui. c'est ça, c'est bizarre, c'est vrai. Il y a des choses que je donne comme ça et pas les aiguilles à tricoter. Je ne sais pas. C'est comme ça. Elles sont là, elles ne prennent pas beaucoup de place. Est-ce que Voilà. c'est parce qu'elles n'avaient pas spécialement... Elles ont une histoire, Elles ont hein? une Oui, elles ont histoire. une histoire. Oui, parce que quand je tricotais pour l'école, les enfants apprenaient. On apprenait qu'il y avait des saisons, qu'on ne mettait pas les mêmes habits à toutes les saisons. Et ils ont appris la gauche et la droite. Ils ont appris les mots paire, une paire de chaussons, voilà. Alors, on apprenait comme ça en jouant, et ça, je trouvais ça important. Et les enfants tricotaient aussi, ou ils vous regardaient Et tricoter? les enfants, alors je leur ai donné, oui, des petits appareils en bois avec des clous, pas Ah des oui, aiguilles pas parce que des... c'était trop dangereux. Et ils ont Ils ont tricoté. tricoté. Oui. Et c'est toujours les aiguilles à tricoter de quand vous aviez Ah, mais 19 j'en ai ans, acheté. ou c'est des aiguilles qui ont été remplacées petit à petit? Mais j'ai eu des coups de cœur pour des aiguilles à tricoter en bois. Il y a eu différents modèles, il y a eu. Bon, et j'en ai acheté, mais je ne jetais jamais les précédentes. Et donc vous en avez combien là Ouh maintenant? là là, si je devais faire le compte, pas mal. Oui. Oui. Et vous allez donner toutes les aiguilles à tricoter ou seulement une des paires? Oh. Vous avez combien de paires d'aiguilles à tricoter? Oh, ça je ne saurais pas te dire. Mais il y en a plusieurs, vous avez gardé plusieurs. Oh oui. Mais vous les avez toutes gardées. Oui, parce qu'il y en a qui servent à tricoter des bas, il y en a qui servent à tricoter avec de la laine plus épaisse, il y en a qui servent à tricoter avec de la laine plus fine, voilà. Alors il fallait quand même une diversité. Ah ben on ira les voir alors. Oui. Parce que... Et lesquelles vous allez choisir pour donner? Eh bien, je les aime beaucoup, c'est une paire en bois. En bois. En bois. Elles sont belles. Et celles en bois, elles servaient à quoi en particulier? Elles m'ont servi à tricoter pour les poupées. Beaucoup. Oui, c'est ça. Et je les ai employées aussi pour t'offrir une écharpe une fois et pour Marie-Laure aussi. Je l'ai toujours, l'écharpe. Voilà. Donc ça me fait plaisir, je l'ai toujours. Je l'ai toujours. Et est-ce que vous pensez qu'il pourrait être utile ou que vous pourriez reprendre, vous pourriez retricoter à nouveau? J'ai eu des enfants en vacances. Et puis j'ai eu Nelly qui revenait chez nous le week-end et je lui ai appris à tricoter. J'ai appris à tricoter à mes neveux, à mes petites nièces aussi. Mais depuis, voilà, j'ai choisi autre chose. J'ai choisi de lire. C'est bien aussi. Mais est-ce que vous pensez qu'elle pourrait resservir à quelqu'un un jour? Mais jamais personne ne m'a demandé. Non, je ne vois pas... À qui ça pourrait... Je ne sais pas. À qui ça pourrait faire plaisir, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et si on parle en général des objets, quand des objets ne sont plus utiles, donc vous pensez que pour qu'ils redeviennent utiles, c'est les donner à quelqu'un d'autre, ou parfois vous descendez à la cave et vous dites « Ah, mais si j'avais ça, et je vais l'utiliser pour une recette ou pour faire quelque chose », comment est-ce que vous... Est-ce qu'il y a parfois des objets qui reprennent vie après un certain moment? Qu'est-ce qui se passe pour qu'un objet... Mais justement, ça pourrait reprendre vie si autour de moi, quelqu'un s'intéressait au tricot. Oui. Mais il n'y a personne. Je ne connais personne. Non, il n'y a pas de club de tricot à Waterloo, comme il y a des clubs de lecture. Mais comme... oui, il y a des clubs de tricot. Mais comme... j'ai décidé de les ranger et de passer à autre chose. Voilà. Je ne me suis pas inscrite au club. Non, mais... et qu'est-ce que... Est-ce qu'il y a un autre objet, par exemple, que vous êtes dit un jour, ça ne sert plus à rien, et puis que vous êtes allé récupérer? Ça, je fais. J'ai des objets que je mets dans des caisses que j'aime et je me dis, je vais reprendre d'autres et je les... Tu vois, oui. je les change. À telle période, par exemple, j'aime ça, puis j'en ai marre, je vais chercher d'autres objets que j'ai rangés. Oui, et ils ont toujours une vie. Ils ont toujours une vie. Donc, oui. S'ils n'ont plus de vie, vous ne les gardez plus, en fait. Non. Non. Non. Non. Non, parce que c'est encombrant, la fin. Non, mais c'est parce que c'est difficile de savoir, être sûr qu'un objet ne sert plus, en fait. Oui. Non, Et les objets que je tiens, c'est surtout des souvenirs que j'ai connus quand j'étais gamine, un attachement. Oui. Et maintenant que si vous donnez les aiguilles à tricoter, est-ce que vous avez l'impression qu'elles vont vous manquer, qu'il manquera quelque chose? Non. Non. Je crois plus. Non, c'est une période de ma vie et voilà. J'ai tiré un trait. Et maintenant c'est fini. Ce qui serait bien, c'est qu'on descende à la cave faire des photos, non, de voir où sont les aiguilles. Est-ce qu'il y a quelque chose, parce que vous m'avez dit qu'en posant ces questions, en réfléchissant à cet objet, ça vous avait fait beaucoup réfléchir. À quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose auquel vous avez pensé, que vous ne pensez, enfin, que c'était étonnant d'avoir pensé? Eh bien, je me suis dit, au fond, ces aiguilles m'ont aidé à apprendre quelque chose aux enfants en jouant. Et ça, c'est vrai. Et puis, ils se sentaient tellement bien, et surtout les petits garçons. Parce que je ne disais pas, il y a des jeux de filles, il y a des jeux de garçons. Et ils se sentaient très à l'aise dans la petite chambre des poupées, ils les habillaient. Ça, c'est vraiment pour moi quelque chose, je me suis dit, je leur ai appris quelque chose en jouant et pas en assénant des choses comme ça. Et voilà. Et encore une... Enfin, parce que je vois que j'oublie des questions, parce qu'on parle... les aiguilles, vous les avez achetées ou quelqu'un vous les a données? Les aiguilles à tricoter, vous les avez achetées? Je les ai achetées. Donc, il n'y a jamais eu... Quand je suis arrivée à l'école, j'ai vu que ça manquait et je me suis dit, allez, hein, tu vas tricoter, tu vas rendre ça joyeux. Mais s'il n'y avait pas eu la maison de poupée, peut-être que vous n'auriez pas... Ah, ça je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais ce que j'aimais bien, c'était de tricoter sans suivre des modèles. Oui. J'aimais bien de créer comme ça. Et quand on va essayer quelque chose, quand vous dites qu'il y a des objets que vous n'utilisez pas et d'autres que vous utilisez, puis vous changez, est-ce que vous savez pourquoi il y a des moments où des objets sont plus utiles ou plus utilisables et pourquoi des moments non, ou c'est plutôt lié? C'est surtout des objets de décoration, voilà, que je tiens. Et comme ça, j'ai l'impression de vivre dans quelque chose de neuf, hein, de ne pas toujours... De voir les mêmes objets. Moi, j'aime bien un peu de changement. Donc, ça change selon les saisons? Ou ça change selon la lumière ou... De mon humeur aussi. Oui. Tiens, je pense à quelque chose, je dis, mais il ferait bien à telle place, ça serait joli, je change. Et est-ce qu'il y a un objet qui est très abîmé? Que vous avez réparé, que malgré le fait qu'il soit vraiment plus utilisable, que vous avez continué à maintenir malgré tout? Non. Ça, non. Ça disparaît. Non. Bon, bah merci, on va aller faire les photos. Voilà.